plus en somme, le plus jeune j'ai vécu. Elle m'a vu rentrer morceau de bras d'inconnu. Est-ce à moi de lui donner des conseils? L'homme sage donne sommeil, mais après c'est moi qui console. Mais sache, t'y trust ton ref, tu es un salaud. Les hommes traitent les racles de salopes, de nymphos à la moins petite mini. Ils boivent, savent qu'avec un je t'ai mis, y'aura Kira, voire même Bouillave. J'ai beau lui parler, elle veut rien entendre, me comprendre. J'ai beau tout reprendre depuis le début, et même si parfois je mets des buts, je reste avec ce satané statut de grand frère. Elle aimerait être grande, toute fière, ne plus avoir écouté père ou mère. Petite russe, sache, la vie est rosse, féroce, sans féroce, une féerie assez morose. Euphorie de la jeunesse, faut rire ou pas, je sais pas ce que j'ai, c'est que j'ai peur pour toi. Petite russe, sache, la vie est rosse, féroce, sans féroce, une féerie assez morose. Euphorie de la jeunesse, faut rire ou pas, je sais pas ce que j'ai, c'est que j'ai peur pour toi. J'ai peur pour toi. Et puis, puis elle a grandi. Plus de 20 piges, aujourd'hui plus d'interdits. Pour moi, plus de répit, converti en double 07. Prêt à péter la tête de celui qui frarait bleu la petite serette. Cette tête bête, j'ai peur pour elle. Tu sais, la vie est un cruel duel perpétuel. Elle me dit qu'elle est majeure, vaccinée. La vie n'est pas une histoire vague de ciné. Et même si j'ai mes décrits, je mets des interdits. Elle me maudit, ne fait rien pour t'aider. Mais mec, dis, moi, ta russe, c'est la même ou pas? C'est peut-être moi qui me fais du cinéma. Petite russe, sache, la vie est rosse, féroce, sans féroce, une féerie assez morose. Euphorie de la jeunesse, faut rire ou pas? Je sais pas ce que j'ai, c'est que j'ai peur pour toi. Petite russe, sache, la vie est rosse, féroce, sans féroce, une féerie assez morose. Euphorie de la jeunesse, faut rire ou pas? Je sais pas ce que j'ai, c'est que j'ai peur pour toi. J'ai peur pour toi. Petite russe, sache, les hommes sont cash, veulent vous falcher. Des bouilles de 10 gens, puis ils jouent les fâchés. Y'a plus de 10 ans, j'ai compris comment parler aux femmes en leur disant des mots doux, n'étant jamais méprisant. Sortant tous ces atouts, brisant tous ces tabous, jouant les gardes du corps, casse-cou, tout fou, tout flou. Ne jamais dire la vérité, dire que t'es une antiquité, qu'a vécu les atrocités quotidiennes de la cité. Et jusqu'au jour où t'en as marre de jouer au gourou, la femme n'est plus un bouche-trou. Entre le bras et le fou, tu te fous d'elle. Puis prie qu'elle te reste fidèle, tout fou d'elle. 24 sur 24, jamais marre d'elle. T'en dis que petite russe grandit. T'as peur qu'elle tombe sur des bandits. Les bourreaux des cœurs, tu les maudis. Petite russe, sache, la vie est rosse, féroce, sans féroce, une féerie assez morose. Euphorie de la jeunesse, faut rire ou pas? Je sais pas ce que j'ai, c'est que j'ai peur pour toi. Petite russe, sache, la vie est rosse, féroce, sans féroce, une féerie assez morose. Euphorie de la jeunesse, faut rire ou pas? Je sais pas ce que j'ai, c'est que j'ai peur pour toi. J'ai peur pour toi.